Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous avec l'actu locale dans le Mag. Et aujourd'hui, on va parler politique, mémoire sociale, mais aussi engagement. Après une année particulièrement éprouvante sur le plan politique, le Parti communiste français des sections d'Amboise et de Bléré donne rendez-vous aux habitants pour sa cérémonie des vœux 2026. Un moment qui sera fait d'échanges, de réflexions collectives et qui sera également accompagné d'une exposition consacrée à Ambroise Croizat, figure majeure de l'histoire sociale française et surtout, vous le savez, créateur de la sécurité sociale. Cette cérémonie, elle aura lieu le samedi 17 janvier à 11h à la salle Descartes, salle qui se trouve place de la Croix à Bénard à Amboise. Et pour en parler, je reçois Gilles Taupin, secrétaire du PCF Amboise-Bléré. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Alors Gilles, je vais tout de suite vous poser cette question. Dans ce texte que vous m'avez apporté, hein, puisque vous êtes venu m'apporter cette invitation pour la cérémonie des vœux, il est écrit, vous parlez d'une année particulièrement éprouvante politiquement. Tout à fait. Et vous parlez de conséquences d'une extrême gravité. Oui. Vous pensez à quoi lorsque vous dites tout ça? Oh, écoutez, effectivement, je confirme, c'est une année d'une extrême gravité, très éprouvante, bien sûr. Et bon, les différentes turbulences au niveau gouvernemental, c'est une chose, mais elles ont eu des conséquences très désastreuses, en particulier pour les plus démunis. Nous avons assisté déjà et depuis fort longtemps à un véritable détricotage, si j'ose m'exprimer ainsi, de nos conquis sociaux, de nos différents acquis. Et le projet de budget pour 2026 le confirme encore aujourd'hui. Nous le voyons effectivement avec certaines coupes sombres, notamment, et je fais le lien local, avec la mission locale, où nous avons appris que, effectivement, une coupe sombre allait être effectuée sur cette organisation qui a pour but de venir en aide à la jeunesse. Oui, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Pour faciliter l'insertion professionnelle, une coupe sombre de l'ordre de 13%, alors que l'an passé, déjà, elle avait subi une coupe sombre de 7%. Mais, effectivement, il y a cet aspect qui est non négligeable, mais cette année a été aussi l'année de tous les dangers sur l'emploi. Nous avons parlé de saignée industrielle. Effectivement, je le confirme aujourd'hui, nombre d'entreprises durant cette année 2025 ont été fermées, Pulflex à Châteauneau, la TI Automotive qui a arrêté toute son activité cet été, je crois que c'est fin juillet. C'est effectivement un véritable désastre industriel. Notre potentiel industriel, à une époque assez riche, a été une fois de plus touché considérablement. Mais avec la perte des emplois, c'est aussi effectivement, il faut le dire, des vies détruites, des projets qui sont détruits, et ça c'est terrible, voilà. Alors forcément, cette année 2025, elle pèse sur la façon dont on regarde 2026, évidemment. Vous exprimez là encore dans ce carton d'invitation que cette année 2026, elle ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Il y a beaucoup de choses. D'abord, oui, tout à fait. D'abord, ce que je viens d'évoquer à l'instant même, il n'y a pas de miracle, comme l'on dit, tout simplement parce que il y a plus de 480 plans de licenciement qui sont en projet. C'est grave, très grave, excessivement grave. Ça veut dire que c'est encore de nombreux emplois de supprimer. Voilà, en matière sociale, en matière d'emploi, mais pas seulement. Il y a un climat qui est délétère, qui est absolument anxiogène. On entend parler de guerre. C'est vrai qu'il y a la guerre. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre dans de nombreux pays. Et effectivement, je comprends les citoyens qui aujourd'hui s'inquiètent de l'avenir de leurs propres enfants. Et j'entends encore ces mots du général Mandon, chef d'état-major, récemment, ça devait être à la mi-novembre à peu près. Et j'ai trouvé ça terrible, glaçant, des propos absolument glaçants, qui dit, en substance ceci, n'ayez pas peur... De perdre vos enfants. Voilà, de perdre vos enfants. J'ai trouvé ça terrible, terrible, terrible. Et le drame qui s'est produit, vous me permettez de faire un bond au-dessus de la frontière, le drame qui s'est produit en Suisse, où de nombreux jeunes ont péri, m'a fait repenser à ces propos qui ont été tenus par ce personnage. Et vous avez l'impression que ce type de discours, il est là pour faire peur? C'est une réalité ou c'est là pour faire peur? Ah, vous savez, effectivement, on peut craindre qu'il y ait un conflit. Et quand on constate, quand on entend les propos aussi d'un président états-unien, Donald Trump, qui effectivement veut s'accaparer, et ses propos bellicistes, qui dit qu'il veut s'accaparer effectivement de l'or noir sur cette île d'Arctique, qui effectivement, au mépris du droit international, s'est permis d'arrêter le président Maduro avec des intentions qu'on imagine effectivement s'accaparer une richesse naturelle, le pétrole. Donc on peut effectivement craindre beaucoup de choses. Le droit international qui est bafoué. Oui, effectivement, le droit national est absolument bafoué. Donc, dans ce contexte effectivement très tendu, de tension, bien sûr, c'est important de pouvoir garder un moment convivial et de pouvoir présenter ses vœux. C'est pour ça que vous, voilà, on revient à quelque chose d'un peu plus léger, mais c'est important puisque on parle de cette cérémonie des vœux qui aura lieu le 17 janvier. Pour vous, c'est important justement de réunir les adhérents et le public pour un moment convivial. Tout à fait. Bien sûr que c'est important. C'est pas quelque chose de nouveau, puisque depuis de nombreuses années, nous organisons des vœux à l'attention effectivement de nos adhérents, mais pas seulement, puisque ce moment d'échange, de convivialité, de fraternité est ouvert à toutes et à tous, et nous en sommes du reste très heureux. Et je sais aujourd'hui, au moment où je parle, qu'un certain nombre de personnes ont l'intention évidemment de participer à ce moment d'échanges politiques, certes, mais aussi, effectivement, en levant le verre de l'amitié. Il y aura à cette occasion, ce samedi matin 17 janvier, une exposition, une exposition Ambroise Croizat. Nous revenons, si j'ose dire, sur Ambroise Croizat. Si certains de nos auditeurs s'en souviennent, déjà en 2023, le 23 novembre et dans le cadre de l'hommage rendu au Conseil national de la Résistance, nous avions fait venir le petit-fils d'Ambroise Croizat, Pierre Caillot, pour une conférence publique, bien entendu, qui avait connu un certain succès. Et là, pour ce 17 janvier, nous allons effectivement donner un ton particulier. C'est-à-dire que la réalisation d'un pôle social à Amboise, comme nous l'avons appris, auquel nous adhérons, puisque ce pôle social, selon la presse locale et selon les élus, doit permettre d'accueillir une épicerie sociale, doit permettre d'accueillir le secours populaire, etc., nous a inspiré, si j'ose dire, quelque chose en ce 80e anniversaire de la sécurité sociale, nous inspirait le nom de son fondateur, Ambroise Croizat. Une figure plus actuelle que jamais. Une figure tout à fait plus actuelle que jamais. Voilà. Donc cette exposition, elle sera visible ce jour-là. Vous avez choisi de mettre Ambroise Croizat à l'honneur pour accompagner ses vœux 2026. C'est aussi pour l'héritage social qu'il transmet, évidemment. Tout à fait, vous avez raison de le souligner, pour l'héritage social qui transmet, et aussi pour démontrer la richesse de cet héritage social. Nous sommes quand même les héritiers de ce legs qui est considérable et qui avait été en fait décidé en 1943, déjà par le Conseil national de la Résistance, présidé par Jean Moulin. Bien sûr, c'était la guerre, c'était l'occupation, mais le Conseil national de la Résistance se projetait vers un avenir beaucoup plus heureux et préparait déjà effectivement la mise en place d'un certain nombre de réformes, d'ordonnances à caractère social. Ambroise Croizat a été à la Libération le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est à partir de là que cette sécurité sociale a été mise en place et je souligne le bien précieux que cette sécurité sociale revêt finalement parce qu'elle a permis effectivement à nombre de personnes dans des conditions matérielles très très compliquées de pouvoir effectivement se soigner tout simplement soins, et c'est tellement important. La sécurité sociale est souvent présentée comme un acquis, bien sûr, mais c'est important de rappeler que c'est un droit qui a été conquis. Est-ce que vous pensez qu'il peut être remis en cause ? Remis en cause, c'est une question de rapport de force. C'est pour ça qu'effectivement, on a tenu à associer à ce moment de convivialité, à ses voeux, cette exposition et cet hommage à Ambroise Croizat, parce que, je viens de le dire, c'est une question de rapport de force. Il y a bien d'autres acquis qui ont été laminés, même certains détruits. Et pourquoi pas celui-là ? Et ça, il faut y veiller, comme à la prunelle de ses yeux, comme on dit. Donc, cérémonie officielle à 11h, ça veut dire que si on veut venir observer l'exposition et puis passer un petit peu de temps à échanger, on peut venir un petit peu avant ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Oh, oui, tout à fait. Nous serons heureux d'accueillir toutes les personnes qui sont intéressées par cette exposition et elles pourront même rester avec nous, bien sûr, pour lever le verre de l'amitié. Donc, samedi 17 janvier, à partir de 11h pour la cérémonie, salle des cartes, place de la Croix, Bénard à Amboise avec cette exposition exceptionnelle sur Ambroise Croizat. Donc un temps d'échange et de partage sera bien sûr proposé à l'issue. Eh bien merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de votre temps, Gilles Taupin. Je rappelle que vous êtes secrétaire du PCF au niveau d'Amboise mais aussi de Bléré. Eh bien c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans votre studio. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve dès demain pour un nouveau mag. Dans cette attente, merci d'être à l'écoute des programmes sur Radioactive. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.